Les compétitions nationales de taekwondo pour la Coupe Chunsung, ouvertes le 21 juillet, se sont terminées le 28 au Palais des Sports de Nampo. À la cérémonie de clôture, ont pris part les cadres intéressés, les sportifs et les jeunes étudiants. Les clubs et joueurs vainqueurs ont reçu la coupe et les médailles. Kim Kyung-ho, président du comité coréen du taekwondo, a fait une allocution de clôture.